Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode, l'arrestation. Avec Stéphane Valency, Philippe Weissert, Bertrand Suarez-Pazos, Arnaud Bédouet, Evelyne Guimara. Août 1914. Partout la guerre fait rage. À Prague, le sentiment refoulé de haine qui existe entre Allemands et Tchèques conduit à une flambée des tensions. Dans la vieille ville, depuis sa fenêtre, Franz Kafka, rédacteur dans une compagnie d'assurance et écrivain à mi-temps, regarde un défilé et il ressent de l'envie et de la haine envers les combattants auxquels je souhaite avec passion tous les maux. Écrire chez lui où il habite avec ses parents est un enfer. Il est obligé d'exercer son travail d'écrivain uniquement la nuit. De plus, il vient de rompre ses fiançailles avec Felice Bauer après une vive altercation dans un hôtel à Berlin, hôtel qu'il décrit comme « cour de justice », événement qu'il appelle un procès. Pris dans la tourmente personnelle et aussi par des événements qui vont ébranler le monde, Kafka, une nuit, écrit la première phrase d'un roman qui va bouleverser le champ de la littérature pour le siècle à venir. Jemand musste Josefka verleumdet haben, denn ohne dass etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens gefangen. Quelqu'un avait dû calomnier Josefka, car sans rien avoir fait de mal, il fut capturé un matin. Très vite, il efface le mot gefangen, capturé, et le remplace par verhaftet. Donc, il est arrêté. Qui êtes-vous ? Vous avez sonné. Qu'on m'apporte mon petit déjeuner. C'est l'heure. Il veut qu'on lui apporte son petit déjeuner. C'est impossible. Impossible. Impossible. Impossible. C'est impossible. Je vais voir qui est dans la chambre voisine et demander à Madame Groubard d'expliquer ce dérangement. Vous n'avez pas le droit de quitter votre chambre. Franz ne vous a pas informé. Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée, c'est tout. Pour le reste, vous le saurez en temps voulu. Vous avez de la chance d'avoir des gardiens qui vous parlent aussi amicalement. Si vous continuez à avoir autant de chance que pour l'attribution de vos gardiens, vous pouvez bien avoir confiance. Qu'est-ce que vous faites avec ma chemise de nuit ? Il vaut mieux nous confier vos affaires que de les laisser au dépôt. Au dépôt, il y a des fraudes. Et au bout d'un certain temps, on y revend tout, même en cours de procédure. Et des procès comme le vôtre n'en finissent pas, surtout en ces temps. Vous finiriez par recevoir le produit de la vente, une somme ridicule. Car ce qui détermine le prix de vente n'est pas le montant de l'offre, mais celui du bakchich. Et le produit diminue d'année en année, en passant de main en main. Mais qui sont ces hommes ? De quoi parlent-ils ? Ils ne débitent que des inepties. K appartient à une classe supérieure. Il a envie de leur prouver son autorité. Par exemple, franchir le seuil de la chambre malgré leur interdiction. Et si à ce moment-là, ils le saisissent, le jettent à terre, le rouent de coups, il perdrait sa supériorité. C'est une plaisanterie ? Plaisanterie ? J'en étais sûr. Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. Les collègues de la banque me jouent la comédie. C'est bien ça, non ? Oh, excusez-moi. Madame Groubard, entrez. Donnez-moi ça. mon petit déjeuner. Pourquoi n'était pas entrée, Madame Groubard? Non. Je n'ai pas autorisé. Vous êtes arrêté. Et comment est-ce possible? Et surtout de cette façon? Non, voilà qui recommence. Pourquoi nous agacer pour rien, nous qui sommes au monde, les hommes les plus proches de vous? Il a raison. Même si tout est bien en ordre, K n'arrive pas à trouver les papiers d'identité qu'il cherche dans le tiroir. Tout ce qu'il découvre est le permis pour son vélo. Est-ce que cela suffira à satisfaire les gardiens? En fin de compte, il trouve son acte de naissance. Voici mes papiers d'identité. Montrez-moi les vôtres, ainsi que le mandat d'arrêt. Que voulez-vous que nous en fassions? Pensez-vous échapper à votre procès en nous montrant vos papiers d'identité? Nous ne sommes que des employés subalternes. Nous n'avons rien à voir avec votre procès. Nous devons juste vous garder 10 heures par jour. Nous sommes payés pour ça. Pourtant, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune erreur. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. C'est la loi. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. Je ne connais pas cette loi. Elle n'existe que dans vos têtes. Tu vois, Willem, il ne connaît pas la loi et il prétend être innocent. Ce n'est pas la peine de lui faire comprendre quoi que ce soit. Doit-il se laisser embrouiller par leur jacasserie? Quelques mots échangés avec quelqu'un de son niveau seraient bien plus clairs pour lui que les longs discours de ces hommes subalternes. Conduisez-moi à votre supérieur. Quand il le voudra, pas avant. En attendant, je vous conseille de rester tranquille et de ne pas vous perdre dans des réflexions inutiles. Ressaisissez-vous. Quant à nous... Vous ne nous traitez pas comme notre amabilité le mérite. N'oubliez pas que par rapport à vous... Nous sommes des hommes libres. Voilà notre supériorité, qui n'est pas négligeable. Pourtant, si vous avez de l'argent, nous sommes prêts à aller vous chercher un petit déjeuner au café d'en face. Ce qui étonne K en ce moment, c'est que les gardiens le laissent seul ici, où il y a tant de moyens de se suicider. En même temps, pourquoi le ferait-il? Parce que Willem et Franz sont en train de manger son petit déjeuner? C'est tellement absurde que même si K voulait le faire, il en serait incapable. L'inspecteur vous demande. Enfin! Qu'est-ce qui vous prend de vous présenter en chemise devant l'inspecteur? Il vous fera battre, et nous aussi! Il faut enfiler un veston noir. Ridicule. Ce n'est pas déjà le procès, quand même. Il faut un veston noir. Bon, si cela peut faire avancer les choses... Joseph K. Cette chambre est habitée par Mademoiselle Bürstner. La dactylo qui part tôt le matin et rentre tard. Ils ont placé sa table de nuit au milieu de la pièce. C'est l'inspecteur qui est assis derrière. Mais c'est la chambre de Mademoiselle Bürstner? Vous n'avez pas le droit... Vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe ce matin. Écoutez, Mademoiselle Bürstner est pensionnaire ici, vous n'avez pas le droit... Et dans un coin se trouvent trois jeunes inconnus, anémiques, sans attribut particulier, qui regarde les photos de Mademoiselle Bürstner épinglées au mur. Qui sont-ils? De la fenêtre d'en face, deux vieillards qui nous espionnent. Surpris? Oui, mais pas très surpris. Comment ça? Pas très surpris? Non, non, vous ne me comprenez pas. Je veux dire, est-ce que je peux m'asseoir? Non, ce n'est pas habituel. Bon, Je veux dire... Vous voulez dire... Je veux dire... Je suis bien surpris. Mais... Mais... Mais quand on a 30 ans et qu'on a été contraint de faire son chemin tout seul, on résiste à des surprises et on ne les prend plus au premier degré. Surtout pas la surprise d'aujourd'hui. Pourquoi surtout pas la surprise d'aujourd'hui ? Je ne veux pas dire que c'est une plaisanterie. Pour cela, il aurait fallu que tous les pensionnaires y participent. Déjà, cela dépasse les limites d'une farce. Je ne veux donc pas dire que cela en est une. Très juste. En même temps, cette affaire ne peut pas avoir trop d'importance. Je peux en conclure que je suis accusé sans être coupable de quelque chose. Vous vous trompez sérieusement. K se sent bien et confiant. Bien entendu, il n'assure pas son service à la banque ce matin. Mais comme il occupe un poste important, il pense ne pas avoir à fournir d'excuses. S'il le faut, il pourra toujours demander à Madame Grubar, ou à la limite au vieillard d'en face, de témoigner pour expliquer son absence. Donc, j'exige la lumière sur cette affaire. Mais non. En fait, K est agité. Il fait les 100 pas, personne ne s'y oppose, ni l'inspecteur, ni les gardiens. Il remonte ses manches, lisse ses cheveux, et tout d'un coup, fait face aux intrus. Et je suis persuadé qu'après vos explications, nous nous quitterons en toute amitié. Ces messieurs et moi ne jouons qu'un rôle secondaire de votre affaire. Je ne puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Et si je peux vous donner un conseil, pensez plutôt à vous-même, pas à nous. Et ne faites pas trop de bruit sur votre innocence. Cela entache l'impression, pas trop mauvaise, que l'on a de vous. De plus, soyez plus discret en ce qui concerne votre manière de vous exprimer. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure ne parle pas en votre faveur. Le procureur général Asterer est un ami à moi. Puis-je lui téléphoner ? Bien sûr. Mais pour une affaire privée. Sinon, je n'en vois pas le sens. Quel sens ? Quel sens ? Mais qui sont-ils ? Ils veulent que cela ait un sens ? Et eux, ils font une chose totalement insensée. Quel sens, en effet, de téléphoner au procureur général quand il paraît que K est arrêté ? Bon, je ne l'appelle pas. Mais si ! Je vous en prie. Non, je ne le ferai pas. Regardez, nous avons des spectateurs. Vous, là, les vieillards d'en face, allez-vous-en, commère. Des gens impertinents, grossiers. L'inspecteur regarde de côté, il pose sa main à plat sur la table et semble comparer la taille de ses doigts. Les gardiens sont assis sur une malle, tout en se frottant les genoux. Les trois inconnus continuent à fouiller dans les affaires de Mademoiselle Burtner. Tout est aussi calme que dans n'importe quel bureau négligé. Eh bien, messieurs, vous regardez, on dirait que mon affaire est terminée. Je crois qu'il ne faut plus penser au caractère justifié ou non justifié de votre action. Le mieux serait de mettre fin à tout cela avec une poignée de main. La poignée de main n'est pas acceptée. Vous êtes bien d'accord avec moi ? K se sent de plus en plus indépendant de ces gens-là. Il joue avec eux. S'il décide de partir, il va courir derrière eux, jusqu'à la porte de l'immeuble, et va leur proposer de l'arrêter de nouveau. Oui ou non ? Comme tout vous paraît sain. Vous voulez donner à l'affaire un heureux dénouement ? Non. Non. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas se désespérer. Vous êtes arrêté. Je vous l'ai dit. Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. Maintenant, on peut se quitter. Provisoirement. Vous pouvez aller travailler. À votre banque. À la banque ? Mais je suis arrêté. Vous êtes arrêté, mais rien ne vous empêche d'exercer votre profession et de poursuivre votre vie habituelle. J'avais présumé que vous vouliez aller travailler à la banque. Comme vous vous accrochez à chaque mot, j'ajoute, je ne vous oblige pas à aller travailler à la banque. J'avais seulement présumé que vous vouliez. Alors, finalement, ce n'est pas bien grave d'être arrêté. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc, m'informer au sujet de mon arrestation n'était pas nécessaire. En tout cas, je n'ai fait que mon devoir. Un devoir idiot? C'est possible. En tout cas, pour vous faciliter la tâche et faire de votre arrivée à la banque un déplacement discret, j'ai tenu ces trois messieurs, des collègues à vous, à votre disposition. Comment? Des collègues à moi? En effet, ceux qui examinent les photos de Mademoiselle Bürstner. Mais pas des collègues, c'est trop dire collègues. Plutôt des employés, et subalternes de plus. Rabensteiner. Toujours très tendu. Coulir. Avec ses yeux enfoncés. Camina. Avec son atroce sourire perpétuel dû à une contraction musculaire. Messieurs, je ne vous avais pas reconnu. Bon, nous allons au travail, c'est bien ça, non? Oh, mon chapeau. Oh, je l'ai oublié. Tous les trois courent chercher le chapeau de K dans sa chambre, ce qui montre leur embarras face à la situation. En fin de compte, c'est Kaminer quittant le chapeau à K. Votre chapeau, monsieur K, voici. K est bien obligé de constater, comme il l'a déjà fait à la banque, que le sourire de l'employé n'est pas intentionnel, ne peut pas être intentionnel. En bas, Madame Grubach, la logeuse de K, ne manifeste aucun sentiment de culpabilité et regarde avec indifférence les quatre hommes quitter la maison. Une demi-heure de retard au travail. Ils prennent un taxi. K se rend compte qu'il n'a pas vu les gardiens et l'inspecteur partir. Comme l'inspecteur avait à un moment donné masqué les trois employés, eux, à leur tour, avaient masqué l'inspecteur. Ah, angenehm ist es in diesem Park. Ich habe schon angenehmere gekannt. Ja, ja, Kulig ist viel gereist, hat viel erlebt. K déteste tous ces trois employés également, depuis toujours. Leur violation de l'espace privé de Mademoiselle Bürstner a attiré son attention, mais la haine est de longue date et il est impossible de l'apaiser. Ce sont des employés de très bas étage. Impossible de leur faire comprendre quoi que ce soit. Impossible de les faire avancer. Il s'ensuit qu'on ne peut même pas mettre un obstacle sur leur chemin. Rien ne peut être plus contraignant que la stupidité de Coulir, la paresse de Rabensteiner ou la servilité répulsive de Kaminer. La seule chose à faire serait de les congédier. Rien de plus facile. Quelques mots au directeur. Mais en fin de compte, K n'en a pas envie. Wohin schaust du, Rabensteiner? Nach rechts. Und du? Nach links, natürlich. K se retourne subitement pour regarder par la vitre arrière de la voiture, dans l'espoir de voir l'inspecteur et les gardiens. Rien. Il regarde maintenant droit devant lui, pour éviter de croiser le regard des trois employés. Quand ils seront arrivés à la banque, K va les observer de près. Probablement, il n'y aura rien à craindre. Ils vont disparaître parmi les ouvriers de la banque et il ne remarquera aucun changement dans leur comportement. Mais pour le moment, dans le taxi, il a besoin d'un mot d'encouragement. Rabensteiner regarde à droite, Coulir à gauche. Et qu'est-ce qu'il faisait là ce matin chez lui ? Il ne reste plus qu'à regarder Kaminer avec son ricanement. Il serait inhumain de s'en moquer. Sont-ils des fonctionnaires? Remarquez, aucun d'eux ne porte l'uniforme. Ils sont en habit de voyage. Ça prouve bien que cette affaire n'a aucune importance. K est accusé, soit. mais aucune raison ne le justifie. Alors il faut savoir qui l'accuse. Quelle autorité dicte la procédure ? Il doit s'agir d'un appareil administratif important, car on a envoyé 3 personnes pour s'occuper de cas, et 2 pièces de la pension ont subi une fouille en règle. Nous vivons quand même dans un état de droit où la paix règne et où les lois sont encore respectées. Qui ose l'attaquer ainsi chez lui ? C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Premier épisode, l'arrestation. Avec Stéphane Valency, K. Philippe Weissert, Willem. Bertrand Suarez-Pazos, Franz. Evelyne Guimara, Madame Grubach. Arnaud Bédoué, l'inspecteur. Et Wolfgang Pissors, Johannes Oliver Hamm, Pierre-Marie Schneider. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.